Activité 9 et 10. Merci d'avoir accepté de témoigner pour notre dossier sur Paris et la province. Je vous rappelle les trois questions qui nous intéressent. Premièrement, pourquoi vous avez choisi d'habiter là? Deuxièmement, ce qui vous plaît, ce que vous appréciez dans ce lieu? Et finalement, ce qui vous déplaît, quels inconvénients vous trouvez? En fait, je n'ai pas vraiment choisi. Je suis arrivé en Bourgogne à l'âge de 1 an et j'y habite toujours. Ce que j'aime en province, c'est un état d'esprit qu'on ne retrouve pas à Paris. Je suis copain aussi bien avec le maire qu'avec le boulanger du coin. Ce qui me plaît en Bourgogne, ce sont les paysages et tous les produits de la région. Pour votre dernière question, je vois pas. Aucun inconvénient à vivre ici. Vous savez, mon cœur et mes origines sont en Bretagne, hein. Mais je suis obligé de vivre à Paris. Mes activités professionnelles me font prendre l'avion au moins une fois par semaine, ce que je ne peux pas faire hors de Paris. C'est également beaucoup plus pratique pour mes rendez-vous de travail. Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est la vie culturelle, les musées, les théâtres. Mais bien sûr, la vie est plus chère qu'en Bretagne. Et ce qui est insupportable, c'est la circulation. Ce qui me manque le plus, c'est la mer.